t'ai connu. Moi j'étais un désespéré parce que j'avais simplement été largué. T'es la gonzesse de ma life. Il faut que je te dise un truc. J'ai été plein de fois amoureux. D'abord à 5 ans pour une fausse blondasse. Ensuite après ça avec une brunette un peu classe. Puis après j'ai changé. Tu vas trouver ça bizarre mais je fantasmais sur des trucs d'arbres. En tout premier je me souviens, c'était en primaire rien un brin. C'était Fifi des Tinitoun cute comme tout. Ça a duré au moins 2 ans. Mais après ce fut au collège que la folie des mangas m'a pris le cours sans que je le sache. Mais sache avant tout que tout ça c'était hier. Car aujourd'hui c'est toi que je t'aime. Et même si j'en ai aimé plein, quand je pense à mon premier amour, c'est à toi que je pense en premier, toi qui sais combler mes jours. Il y avait eu c'est l'or Vénus. Ensuite il y a eu Anne ma fille et puis Shampoo. Après cela est arrivé Azuka et Shaolin. C'était affreux, elles y sont vraiment toutes passées. Dans le réel c'était pas chouette. J'avais dragué sans succès toute ma classe, le troisième et un petit peu celle des autres. Parle pas de Dark Lily, il me connaît parce que tu sais déjà à peu près tout sur elle. Mais sache avant tout que tout ça c'était hier. Car aujourd'hui c'est toi et que toi je t'aime. Et même si j'en ai aimé plein, quand je pense à mon premier amour, c'est à toi que je pense en premier, toi qui sais combler mes jours. C'est à toi que je pense en premier, parce que c'est toi le vrai amour. Parce que c'est toi le vrai amour.